شد قلوك فيزي راسي جي ديفازي غرق مشاكل استوار جالوزي دي جاف الغايس باش نسالي في جاكوزي Hier j'avais heure, c'est la misère mon ami D'abord j'ai ma chica, dans ma govadeka Van stylo villa, au bord de la mer On voit du liquide, le cartel est sec Sinon on te baisa, grani khodi puta Mamacita j'ai trop sauvé pour arriver Galère sur galère, même habsi dans le CV معاش تغير الليل وكان هرز في نيفي تعلمت نسوق حياتي من اللي تعلم في تسويفي باش نشري الاحلام بعت امي الاطرق مليت جروفا ولا احنا شطوك توك ساجي سلاب جديدة فولو كاش الدويدي كونترا ودي دولتي تي فراش كله بغادي دي سي بولا مايو مايو مايو بولا مون موني بوزي دون لا شيشا شيشا باري كوي دو لا با Pêcha, pêcha pour améliorer le hécha Hécha, du braquage tu sais déjà Tout ça, posé dans la chicha Chicha, bas les couilles de la babécha Pêcha pour améliorer le hécha Hécha, du braquage tu sais déjà Tout ça Seul dans le bloc, le globe dans le froc La peufra du Maroc, contrôle-moi j'm'en bats les yoc Où est-ce qu'ils sont mes guerriers On s'en va en guérilla Pour la moula la la la la Elles réclament toute leur balle la la la la Tout ça pour s'en vanter J'lève mon verre santé Pas calé sur le côté Les mongas veulent tacler Pas les couilles du RSA Elle veut des mecs qui pèsent Invisible en Clio 4 avec des grosses caisses hein. Pas le temps pour les détails Les gars faut choper le billet Quels que soient les plans les bails Faudra dégainer le bail Posé dans la chicha, chicha, bas les couilles de la babécha, pécha pour améliorer le hécha, hécha, des braquages tu sais déjà, tout ça, posé dans la chicha.